Découvrez Unité 8 de sang, un thriller d'espionnage écrit par un ancien membre des services secrets israéliens. Entre Paris et Tel Aviv, entre Washington et Macao, un commissaire français, un commando chinois, un officier israélien désabusé et son adjointe tenace vous feront vivre 24 heures intenses. Unité 8200 de Dovelfon, un thriller d'espionnage dangereusement réaliste, maintenant en poche chez Folio Policier. Vous ne consulterez plus jamais votre téléphone comme avant. Et vous, qu'auriez-vous fait pendant la Seconde Guerre mondiale ? Non pas qu'avez-vous fait pour ceux d'entre vous qui l'ont vraiment vécu, mais qu'auriez-vous fait, vous qui n'y étiez pas ? Pourquoi la question a-t-elle un sens ? Pourquoi emploie-t-on encore l'expression de facho ou de collabo si facilement aujourd'hui ? Et que nous révèle cette alternative au sujet de notre propre réflexion morale ? Aurais-je été résistant ou collabo ? Comme si c'était l'ultime test à passer pour savoir de quel côté on pouvait ranger l'humanité, et comme si celle-ci était très exactement divisée en deux. D'un côté, les résistants, de l'autre, les collabos. Comme diraient des proches, mais que choisir ? Je disais que dans une période ennuyeuse comme le fut celle de l'occupation, la seule distraction qui se présentait aux Français après la messe, c'était de faire ou de la résistance ou de la collaboration. Mais là encore, que choisir ? Alors bien sûr, la collaboration, c'était le bon droit, la respectabilité, un prix Dieu réservé à Saint-Honoré des Lots, les amitiés de Pierre Laval assurées, les indulgences de Pie XII également, et puis des places de faveur au concert de Tino Rossi et de Maurice Chevalier. Oui, mais la résistance, c'était la vie au grand air, Yukaidi, Yukaida. Oui, mais la collaboration, c'était la possibilité d'apprendre une jolie langue étrangère à peu de frais. Oui, mais dans la résistance, on se cultivait pas l'âme et on rigolait bien. Boum, le train. Boum, la voie ferrée. Tacatacatacatin, le petit viaduc. Ouais, je l'ai eu. Oui, mais pour bien gagner sa vie dans la collaboration, fallait dénoncer les juifs. C'est pas très joli comme occupation pour gagner sa vie, de dénoncer les juifs. Oui, mais dans la résistance, on dénonçait pas les juifs, mais fallait vivre avec. C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston. L'un aimait les tommis, l'autre aimait les teutons. Chacun pour ses amis, tous les deux ils sont morts. Moi qui n'aimais personne, eh bien je vis encore. Maintenant, cher tonton, que les temps ont coulé, que vos veuves de guerre ont enfin convolé, que l'on a requinqué dans le ciel de Verdun les étoiles ternies du maréchal Pétain. Maintenant que vos controverses se sont tues, qu'on s'est bien partagé les cordes des pendus, maintenant que John Bull nous boude, maintenant que ça n'est fini des querelles d'Allemands, que vos filles et vos fils vont la main dans la main faire l'amour ensemble et l'Europe de demain, qu'ils se soucient de vos batailles presque autant que l'on se souciait des guerres de 100 ans. On peut vous l'avouer maintenant, cher tonton, vous l'ami des tommis, vous l'ami des teutons, que de vos vérités, vos contre-vérités, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. Et pourtant, bonjour François de Smet. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes avec nous bien hors du studio depuis Bruxelles, où vous vous trouvez pour le deuxième temps de cette série d'émissions autour des 4 questions pour se fâcher entre amis. Alors, merci de jouer le jeu depuis votre téléphone. Vous avez entendu le sketch de Pierre Desproges et puis la chanson de Brassens, les deux oncles qui à l'époque avaient fait fureur, d'ailleurs en 1964, puisqu'en 1964 on n'était pas du tout prêt à entendre que finalement parler de la Seconde Guerre mondiale c'était quelque chose de trop lointain pour être évoqué, qu'aujourd'hui on s'en fichait. C'est tout l'inverse. Cette question, qu'aurais-je fait pendant la Seconde Guerre mondiale, aurais-je été collabo ou aurais-je été résistant, elle existe encore aujourd'hui et je ne sais pas si elle est d'actualité, mais c'est un dilemme qui se pose encore. C'est étrange, non ? Mais c'est même le dilemme moral par excellence. En fait, on se le pose peut-être de manière plus forte encore aujourd'hui que dans l'immédiate après-guerre. Il est assez singulier que la question mémorielle et la question morale de résistants ou collabos, ben bien sûr, elle a très rapidement vécu après la guerre, l'épuration, les procès, Nuremberg, Pétain, etc. Et puis, il y a eu comme une sorte de blackout de 10-15 ans, et après une sorte de réveil mémoriel avec l'affaire Eichmann, dont on parlera peut-être. Et donc, aujourd'hui, ben, ça reste le... C'est vrai que résistant ou collabo, ça reste la question moraliste par excellence, mais pourtant elle est insuffisante, parce que pour faire quelque chose de vraiment complet, on aurait dû dire résistant, collabo ou citoyen passif, qui est sans doute la solution la plus couramment répandue et la vraie réponse à cette question. Parce que la plupart des gens, en vérité, dans les pays occupés, ouais, ils n'étaient ni collaborateurs actifs, ni résistants courageux, ils étaient dans l'entre-deux. Une petite anecdote là-dessus. En 2008 à Paris, il y a une exposition à la bibliothèque d'histoire de la ville de Paris, une exposition de photographie d'André Zucca, qui était un photographe actif sous l'occupation, qui était classé plus tard comme collaborationniste. Et le titre de l'exposition, c'était « Les Parisiens sous l'occupation ». Et l'expo a fait scandale parce que on voyait aux terrasses des cafés des Parisiens, des Parisiennes vivant complètement tranquillement, vivant leur vie. Alors Zucca, il ne masquait rien. Vous aviez même des gens qui portaient l'étoile jaune. Il n'y avait rien qui était dissimulé. Simplement, on montrait. Ce qui était choquant, c'était l'absence qu'il y avait sur ces photos. Il n'y avait pas d'horreur, il n'y avait pas de sentiment d'oppression. Il y avait le sentiment d'une vie qui continuait. Et donc le vrai problème, c'est que on aimerait bien que les choses soient simples et qu'on puisse être soit résistant, soit collaborateur, comme le dit des proches qui nous manquent tellement dans ces questions. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens, la plupart des citoyens sont dans une sorte de gris. Et la deuxième vérité, c'est que malheureusement, oui, c'est une bonne question pour philosopher ici sur France Culture ou pour faire une soirée entre amis et pour se disputer. Mais en fait, nous n'aurons jamais vraiment la réponse à cette question parce que il s'agit de ces questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre sans être confronté à l'événement. Et ce que ça nous apprend, c'est qu'il y a une limite aux idées qu'on peut traiter sans le rapport à l'événement, et qu'il y a un rapport entre les grands principes et les événements qui les ont fait naître qui est extrêmement fort. Et ça, eh ben, poser la question résistant au collabo, ça nous montre les limites d'une réflexion abstraite. Et c'est pourquoi on se fâche généralement quand on en parle. Alors l'absurdité, Pierre Desproges l'a bien relevé, en fait l'absurdité c'est de mettre dos à dos ou face à face, d'un côté le collabo, de l'autre le résistant, comme si finalement le monde se divisait en deux et qu'il était facile d'être d'un côté ou de l'autre. Mais alors là, c'est plus de l'absurdité, mais peut-être la malhonnêteté de cette dualité entre d'un côté le collabo et le résistant, c'est qu'au fond, si vous posez la question à une soirée, personne ne va vous dire « bah oui, bien sûr, j'aurais été collabo ». C'est qu'au fond, la question renvoie, et on peut commencer par là, par le peu de transparence morale que nous avons à l'égard de nous-mêmes. Personne ne va assumer cette position-là. Ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait au clair avec nous-mêmes, ou si nous le sommes, nous n'assumons pas forcément la position que nous aurions choisie. C'est vrai, en même temps, vous avez des dîners de famille. Enfin, je sais pas, peut-être vous en avez rencontré des collabos qui s'assumaient comme tels. Non, mais j'ai rencontré par contre des gens qui assument pouvoir dire, ben, est-ce que j'aurais eu le courage d'être résistant ou de simplement cacher des juifs? En fait, vous, moi, tout le monde, on adorerait pouvoir répondre oui sans problème. Le problème, c'est que il y avait énormément de gens qui étaient aussi pétris de grands principes avant les conflits. Nous avons des croyances extrêmement ancrées. Et puis tout à coup, un événement arrive, un événement qui met en danger notre vie. Et les êtres humains, je crois, et c'est ce qui a été montré pendant et après la guerre, sont d'abord mus par des instincts de survie, aussi par un certain goût du conformisme. Et il faut parfois un tel courage qu'en fait, personne ne peut vraiment dire ce qu'il aurait fait. Par contre, il est intéressant, et c'est une des sources que nous avons pour essayer de répondre à cette question et de nous mettre à leur place, de regarder les témoignages des gens, à la fois ceux des collabos, il y en a, et même des bourreaux, et ceux des justes, et de voir qu'ils n'ont pas du tout les mêmes arguments. En général, les collaborateurs ou les bourreaux, ils justifient toujours leur comportement en utilisant des notions de groupe, en utilisant des notions de patrie ou en utilisant des notions de responsabilité collective. Je ne pouvais pas faire autrement car j'obéissais aux ordres, car je croyais que je devais sauver la grandeur de l'Allemagne, la grandeur de la France, peu importe. Les gens qu'on appelle des justes ou des résistants, à qui on demande pourquoi ils ont réagi comme ils l'ont fait, où est-ce qu'ils ont trouvé ce courage, ils ont des réponses étonnamment beaucoup plus centrées sur eux-mêmes, sur une forme d'autonomie. Et en général, c'est très simple, c'est « je ne pouvait pas faire autrement. Et ça recoupe ce que un certain nombre d'expériences ont pu montrer après-guerre, parce que évidemment après la guerre et après surtout la découverte des camps d'extermination, vous avez une forme de recherche scientifique qui s'est déployée pour essayer de comprendre les causes sous-jacentes de cette cécité humaine par rapport à l'horreur et de ce qui avait pu permettre à l'Allemagne nazie de faire tout ce qu'elle a fait. Vous avez grosso modo un champ qui s'est développé vers la philosophie, la pensée politique et Hannah Arendt, et vous avez un champ tout à fait intéressant aussi en parallèle qui s'est développé en psychologie sociale, jusqu'à des expériences comme celle de Solomon Asch et Milgram. Et les deux ensemble, surtout si vous les lisez en parallèle, vous amènent vers un petit peu la même notion, à savoir que ce qu'on peut appeler le mal est souvent une affaire de groupe, est souvent une affaire où on plonge sa responsabilité individuelle en devenant le rouage d'une machine et en s'y perdant, alors qu'à côté de ça, celles et ceux qui ont une architecture, une ossature éthique particulière, que ce soit à cause de leur formation, de leur personnalité ou même de leur profession, ça s'est vu chez Milgram notamment, ont une capacité beaucoup plus grande à résister à l'autorité, à résister à la tentation et à faire ce qui est juste au bon moment en y trouvant le courage nécessaire parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et c'est une question d'éthique individuelle. Alors avant d'en arriver à Milgram et au test de Milgram, hein, qui permettait de prouver psychologiquement qu'un homme parfois devait obéir à un ordre, même lorsque celui-ci paraissait absurde, ce que j'entends dans ce que vous dites, François de Smet, c'est qu'au fond, la question qui est en jeu, derrière celle de savoir ce qu'on aurait fait pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est celle de la fascination pour le mal. Pourquoi la Seconde Guerre mondiale occupe encore une telle place dans l'imaginaire? C'est parce que, au cours de celle-ci, a été atteint le pire imaginable, justement, dans la question du mal. Oui, Zygmunt Bauman avait travaillé là-dessus, savoir si on n'était pas arrivé à un paroxysme de la modernité avec la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est vrai. En fait, nous vivons une époque où, depuis l'après-guerre, il n'y a plus de boussole du bien facilement disponible. Je veux dire par là que, dans le monde politique, vous n'avez plus d'idéologie clé sur porte qui soit absolument convaincante, ni le communisme, ni le libéralisme, ni le capitalisme, le socialisme, ni même le nationalisme n'ont l'air de fonctionner clé sur porte. Par contre, on a une boussole du mal, et qui est peut-être une de nos dernières certitudes, qui est que, elle a été empiriquement prouvée, ben, tout de même, lorsqu'un peuple est plongé dans une idéologie qui le pousse à tenter d'exterminer un autre peuple, qui plus est, avec des moyens modernes, techniques, industriels, parce qu'au fond, la solution finale, c'est cela, ben, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que cette idéologie ne peut pas être bonne. Raison pour laquelle, eh bien, il n'y a pas pire insulte encore aujourd'hui, en politique, que de se faire traiter de fasciste ou de nazi. Nous sommes toujours dans l'horizon culturel, sans doute pour de bonnes raisons, nous sommes toujours dans l'horizon culturel de la Seconde Guerre mondiale qui a marqué durablement ce qui est bien et ce qui n'est pas. Les nazis sont des personnages de méchants absolument universels. Ça reste toujours un point de crispation. On ne peut pas faire, évidemment, ni de salut nazi, ni de postiche d'Hitler impunément. On se demande s'il faut ou non rééditer Mein Kampf, alors qu'évidemment que oui, il faut pouvoir le rééditer, mais avec une explication et un encadrement. Et donc, c'est devenu une norme. C'est pas anormal en soi, mais ça prouve aussi qu'il y a un lien beaucoup plus fort qu'on ne le pense entre les événements et nos grands principes. Une seule question qui je trouve est vertigineuse et auquel la fiction nous aide parfois à répondre. Ouais. Qu'est-ce qui se serait passé si les nazis avaient gagné la guerre? Est-ce que nous aurions eu des Nations Unies? Sans doute pas. Est-ce que nous aurions eu des catégories de crimes contre l'humanité et de génocide? Sans doute pas. Et peut-être même que nous n'aurions pas eu de déclaration universelle des droits de l'homme et que les droits humains, ou ce que nous appelons droits humains, n'auraient pas du tout la même définition aujourd'hui. Là, il se trouve que ceux qui ont commis le pire ont aussi perdu la guerre. Ouais. Mais il n'y a pas de fatalité à ce que ce soit le cas. Et c'est ça qui est intéressant, un peu glaçant, mais aussi fascinant, c'est de découvrir la contingence qu'il y a aussi derrière nos grands principes. Eh bien, ce sujet, ce point que vous venez d'aborder, que se serait-il passé si l'Allemagne avait gagné la guerre? C'est le sujet du Maître du Haut-Château, le roman de Philippe K. Dick, adapté à l'écran et disponible désormais en série. Blowout, huh? Yeah, no toolkit. That's not good. Well, I got one in the trunk. Let me give you a hand. Hey, stop! Vous voilà dépanné. Ah, vous m'avez sauvé. Bah, vous pouvez me sortir les papiers du camion? Oui, tout de suite. Voyons ça. C'est votre première longue distance. Comment vous le savez? Pas avoir de quoi changer un pneu. Faut être débutant. Ouais, c'est la première fois que je sors de New York et même que je vois du pays. Alors profitez-en. Je peux vous demander ce que c'est que ce tatouage? un soldat si féroce qu'il tuerait une rose. C'était vous ? Oui, mais c'est du passé. On a perdu la guerre depuis. Aujourd'hui, je me souviens même plus pourquoi on se battait. Qu'est-ce que c'est ? Oh, rien, c'est l'hôpital. L'hôpital ? Oui, tous les mardis, ils brûlent les handicapés et les malades condamnés. Ce qui coûte cher à l'État. Tout est en règle. Allez, bon voyage, fiston. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. D'où vient cette fascination, François de Smet, pour ce qu'on appelle l'Uchronie ? Donc, c'est partir d'un scénario réel, la Seconde Guerre mondiale, et changer la version des faits. C'est donc l'Allemagne qui n'aurait pas perdu, mais au contraire gagné, et qui donne lieu à ce roman extraordinaire de Philip K. Dick, dont vous avez entendu l'adaptation en série. C'est une série d'Eric Overmeyer et de Frank Spotnitz, qui date de 2015 déjà, et qui est presque aussi bien que le roman, je dois dire. Oui, la série est vraiment assez extraordinaire. Le roman était aussi très frappant et quand même assez novateur pour l'époque. C'est vrai que les Uchronies, c'est un bon outil pour montrer la fragilité et la contingence de nos sociétés. Et je crois que ça nous fascine parce que, d'abord, ça nous, un peu comme un bon film d'horreur, ça nous plonge dans des scénarios alternatifs. Au fond, c'est vrai, l'Allemagne aurait pu gagner la guerre. Mmh. Alors, dans Le Maître du Haut-Château, elle gagne la guerre et elle envahit notamment les États-Unis avec le Japon. Et donc, les États-Unis sont coupés en deux. Et ce qui est bien rendu dans le roman et aussi dans la série, c'est que ça pénètre toutes les strates de la société. En ce compris, et votre extrait était à ce titre bien choisi, la manière dont les gens réfléchissent. Ça ne les choque pas outre mesure qu'on brûle des handicapés. Il y a aucun noir, évidemment, dans cette série. Enfin, bref, c'est terrifiant et glaçant. Et ça nous permet de nous plonger dans, enfin, remettre en cause ce qui nous paraît évident. Et ce qui nous paraît évident, c'est une société normée par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc autour de principes universels, autour de la construction de Nations Unies et de déclarations universelles des droits de l'homme et tous les pactes qui ont suivi, qui ont l'air, alors bien sûr ils n'ont pas été tous respectés, on peut discuter beaucoup du respect des droits de l'homme, mais quand même un prisme global où le crime contre l'humanité est catégorisé, stigmatisé et où le génocide est une réalité à combattre. Et donc je trouve que les Uchronies de manière générale sont des exercices de pensée qui permettent de peut-être mieux mesurer la chance que nous avons d'avoir des principes, des valeurs universalistes qu'on brasse parfois, qui sont parfois vues aujourd'hui comme ringardes. Et on en voit la construction. Les droits humains, de manière générale, ce sont des constructions. C'est pas pour ça qu'ils ne sont pas précieux. Mais on a décidé un jour que la vie humaine, les libertés, les grandes libertés des révolutions et celles qui ont été consacrées par la suite, eh bien, valaient le coup d'être consacrées et qu'on se batte pour elles. Et qu'elles ne nous étaient pas spécialement données ni par la nature ni par un dieu. Ce sont des constructions humaines. Mais, et donc, elles peuvent être demain renversées ou détruites. Et il peut arriver que l'être humain, demain, pense d'une manière complètement différente. Et Philip K. Dick, à qui on doit aussi le roman qui a donné Blade Runner, est vraiment un écrivain intéressant parce qu'il est souvent en avance sur son temps. Et je trouve que ce qu'il nous révèle, c'est la contingence. Il y a un autre exemple rapide, c'est Eric Emmanuel Schmidt, qui a fait un petit livre qui s'appelle La part de l'autre, où il avait imaginé une uchronie du même style, à savoir qu'est-ce qui se serait passé si Adolf Hitler avait réussi son examen d'entrée aux Beaux-Arts pour devenir peintre. Alors, vous avez un truc en deux temps, et vous voyez que les deux destins des deux Adolf s'éloignent l'un de l'autre. C'est assez fascinant. Mais voyez, on retombe quand même dans l'alternative. Dans le cas d'Eric Emmanuel Schmitt ou de Philip K. Dick, c'est si l'Allemagne avait gagné ou perdu, si Hitler avait été admis aux Beaux-Arts ou pas. C'est très difficile quand on interroge la manière que nous avons d'hériter d'un passé douloureux, de ne pas tomber dans une forme de manichéisme, j'ai l'impression. Et c'est ce que pose la question à laquelle on essaie de répondre aujourd'hui. Qu'aurais-je fait pendant la Seconde Guerre mondiale, collabo ou résistant ? Comme si la morale ne pouvait pas s'infiltrer dans les endroits les plus subtils de notre conscience et qu'il fallait que ce soit du tout noir ou du tout blanc. Parce que ça nous permet d'échapper à l'inconfort de la zone grise. Je crois que le dualisme que vous soulignez, il a d'abord une vertu pédagogique, parce que pour souligner les avantages et les inconvénients de chaque alternative, il faut pouvoir les isoler. Mais il est intéressant, et vous voyez ça dans la fiction moderne aussi, vous demandiez pourquoi on s'intéresse particulièrement aux monstres et aux personnages mauvais. Au fur et à mesure qu'au XXe et XXIe siècle, vous avez des personnages de romans, de films, puis de séries qui s'intéressent à des monstres, eh bien, vous avez petit à petit des dualismes qui s'installent. C'est-à-dire que comme par hasard, un personnage comme le Dark Vador de La Guerre des Étoiles, pour prendre un exemple classique, est quelqu'un qui est devenu méchant et dont tout l'intérêt est de se demander mais d'où vient le point de bascule, comment est-ce que Anakin Skywalker est devenu un jour quelqu'un de mauvais. Et tous les personnages ont une sorte de dualité, comme s'il fallait à chaque fois un personnage bon pour sauver sa face noire, jusqu'à des personnages contemporains comme le Joker ou comme... Oui. Il y a toujours ce dualisme-là, comme si nous ne pouvions pas vivre en étant gris. On doit être blanc et noir, mais l'avoir été alternativement. Mais alors, quelle est la vertu pédagogique ? La vertu pédagogique, c'est de se dire que peut-être ce n'est pas si simple que ça et que ce que nous pouvons trouver dans des romans, dans des films, dans des séries comme étant simple, à savoir que voilà, vous avez un personnage les bons et les méchants, oui. Méchant, et dire ça. Voilà, peut-être sommes-nous tous un peu plus gris et que ce sont les circonstances qui font le choix. Pour peut-être anticiper, un personnage comme Eichmann, ce qui dérangeait Hannah Arendt, c'est que peut-être que sans la Seconde Guerre mondiale, il ne serait pas devenu un criminel de guerre. Et c'est ça, évidemment, tout le problème et tout ce qu'il y a de glaçant dans la banalité du mal telle qu'elle le décrivait. Alors avant d'en arriver à Arendt, je vous propose qu'on entende un texte de Jean-Paul Sartre qui prend le temps de définir ce qu'est un collaborateur. Car après tout, procédons au cours de cette émission comme on le fait d'habitude. Définissons les termes que nous employons. Qu'est-ce qu'un collaborateur ? Eh bien pour Jean-Paul Sartre, c'est quelqu'un qui est forcément de mauvaise foi. Par sa docilité au fait, ou plutôt ce fait unique, la défaite française, le collaborateur réaliste fait une morale renversée. Au lieu de juger le fait à la lumière du droit, il fonde le droit sur le fait. Sa métaphysique implicite identifie l'être et le devoir être. Tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien, c'est ce qui est. Sur ces principes, il bâtit hâtivement une éthique de la virilité. Empruntant à Descartes sa maxime, « Tâchez plutôt de se vaincre que de vaincre le monde », il pense que la soumission aux faits est une école de courage et de dureté virile. Pour lui, tout ce qui ne prend pas son point de départ dans une appréciation objective de la situation n'est qu'une rêverie de femme et de songe creux. Il explique la résistance non pas par l'affirmation d'une valeur, mais par un attachement anachronique à des mœurs et à une idéologie morte. Il se cache cependant cette contradiction profonde. C'est qu'il a choisi, lui aussi, les faits dont il veut partir. La puissance militaire de la Russie, la puissance industrielle de l'Amérique, la résistance têtue de l'Angleterre sous le Blitz, la révolte des Européens asservis, l'aspiration des hommes à la dignité et à la liberté, ce sont aussi des faits. Mais il a choisi, au nom du réalisme, de ne pas en tenir compte. D'où la faiblesse interne de son système. Cet homme qui parle sans cesse de la dure leçon des faits n'a retenu que les faits qui avantagent sa doctrine. Il est perpétuellement de mauvaise foi, dans sa hâte d'écarter ce qui le gêne. Messieurs, le principe de cette expérience est extrêmement simple. Voici une liste de 30 mots, associés chacun à un adjectif. Monsieur Despol, vous allez lire à Monsieur Rivoli ces 30 couples de mots. Ensuite, vous lui donnerez seulement l'adjectif, et il devra de mémoire vous dire à quel mot cet adjectif se rapportait. Ah oui, d'accord. À chaque fois que Monsieur Rivoli se trompera, vous pousserez un de ses curseurs, et il recevra une décharge électrique. Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques vont aider M. Rivoli à améliorer sa mémoire ? Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despol, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour M. Despol, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à infliger à une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner ? Vous avez beaucoup de sujets qui sont allés jusqu'à 405 volts ? 63% des sujets sont obéissants. Ce qui signifie que dans un pays civilisé, démocratique et libéral, les deux tiers de la population sont capables d'exécuter n'importe quel ordre émanant d'une autorité supérieure. Que se passe-t-il lorsqu'on essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un collaborateur ou d'un bourreau, de la mauvaise foi sartrienne à l'expérience de Milgram ? C'est le sens des deux extraits que vous venez d'entendre sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. D'abord donc Sartre qui indique qu'un collaborateur est quelqu'un qui est perpétuellement de mauvaise foi, qui va même jusqu'à parler d'une sorte de vocation à devenir collaborateur. Et de l'autre, cet extrait de film I comme Icare qui date de 79, un film d'Henri Verneuil dans lequel eh bien, on procède à cette expérience de Milgram qui est censée montrer que finalement, certaines personnes ont une propension très élevée à obéir aux ordres et donc ainsi à devenir potentiellement des gens qui vont exécuter des ordres qui vont nuire à d'autres personnes. Il y a quelque chose de, de glaçant quand même, François de Smet, à entrer ainsi dans la tête de ceux qui vont commettre le pire ou qui seront complices du pire. Ce malaise-là, bah, il contribue sans doute aussi à la, au fait que ces questions morales insolubles nous accompagnent encore aujourd'hui et sans doute le feront-elles de toute éternité. On veut quand même côtoyer ce qui nous fait peur à ce point. Oui, et le problème, c'est que c'est sans doute plus universel qu'on ne pense, parce que ce qui est encore plus glaçant, c'est que la plupart des sujets échouent au test de 1000 grammes, parce qu'ils sont une proportion très importante à aller jusqu'à 450 volts, c'est-à-dire une mesure létale, et quasiment tout le monde commence par au moins administrer quelques chocs. Je crois que ce qui est en jeu ici, dans l'écho de l'extrait de sur Sartre, c'est sans doute l'estime de soi. Quand vous débriefez les cobayes de l'expérience de 1000 grammes, c'est très frappant qu'en général, un peu d'ailleurs mutatis mutandis, comme les gens qui se défendaient à Nuremberg ou dans les crimes de guerre en général, ils atténuent leur propre part de responsabilité en disant « oui, mais moi je ne suis qu'un petit rouage, je ne faisais qu'exécuter un ordre et je ne faisais que d'être conforme à un cadre autour de moi ». C'est-à-dire qu'ils assumaient de se fondre dans le système, dans les ordres qui leur sont demandés, en diminuant leur part de responsabilité individuelle, alors qu'on est dans un monde, notamment aux États-Unis, où la liberté, l'autonomie sont extrêmement valorisées. Et si on se penche au contraire sur les résistants, c'est-à-dire, il y a le cas d'un professeur de théologie, par exemple, dans l'expérience de 1000 grammes, qui refuse fermement, parce que vous avez quand même 10% de réfractaires, il argumente en disant, non, moi, je n'écoute plus vos ordres, parce que j'ai une autonomie de pensée qui ne me permet pas d'aller dans votre sens. Et 1000 grammes fait l'hypothèse que c'est la formation de ce monsieur, le fait qu'il ait un corpus théologique extrêmement fort, qui l'a rendu plus résistante et qui n'avait pas, il a moins besoin d'avoir une reconnaissance de son estime de lui-même par le groupe et par le respect des règles. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas tous égaux à l'égard de l'obéissance aux ordres et donc de la possibilité de commettre le mal absolu ou même du mal à autrui. Ça veut dire que la psychologie ici est partie prenante. Certaines personnes sont plus enclines, plus aptes à commettre le mal que d'autres. Moi, ma thèse, c'est que nous ne sommes pas tous des monstres en puissance, mais nous sommes tous des rouages en puissance. Et pour que ce que le mal se produise, comme l'Allemagne nazie et comme on a pu le voir ailleurs, il faut la rencontre de deux choses. Une volonté de puissance extrêmement forte d'un leader charismatique qui arrive à imposer son point de vue, qui est évidemment extrêmement dérangeant, et beaucoup de gens qui le suivent et qui le laissent faire, pour reprendre les mots d'Einstein. Et là, effectivement, je crains que le conformisme soit un des défauts, mais aussi une des qualités, parce que ça a rendu service à l'humanité dans d'autres contextes, les mieux partagés. Si vous voulez, si les premiers groupes d'humains ont réussi à s'organiser, c'est aussi parce qu'ils ont réussi à s'organiser autour d'une hiérarchie sociale qu'on peut évidemment critiquer aujourd'hui, parce qu'on est tous libres, autonomes, etc. Mais les premiers groupes d'humains sont ceux qui ont passé le cap de la préhistoire de l'évolution, sont aussi ceux qui ont réussi à s'organiser, ou quand il y en a un qui impose une sorte d'autorité, une série d'autres obéissent dans l'intérêt de tous. Ce n'est que très récemment. Moi, je crois que les normes d'universalité, de consentement, de liberté, etc., sont relativement récentes. Elles sont très précieuses, il faut évidemment les garder. Mais il y a toujours en nous, je dirais, une part de conformisme. Même dans une réunion, dans la moindre réunion professionnelle, on le ressent, il y a toujours un enjeu qui se déroule, savoir qui va prendre le lead. Si personne n'est en charge d'une animation d'une réunion, il y a immédiatement une sorte de stress anxiogène qui s'installe. Je crois qu'on a une sorte de disposition, pas à la soumission, c'est trop fort de dire ça, mais une forme de conformisme qui, dans certains contextes, nous sauve, et dans d'autres contextes, quand par exemple votre pays est dirigé par un dictateur sanguinaire, fait des dégâts absolument terribles. Et c'est ça le problème, c'est que je pense que nous sommes tous susceptibles d'être demain, non pas des monstres, mais des rouages qui permettent aux monstres d'accomplir leur volonté. Eichmann n'était ni un Iago ni un Macbeth. Et rien n'était plus éloigné de son esprit qu'une décision, comme chez Richard III, de faire le mal par principe. Mis à part un zèle extraordinaire à s'occuper de son avancement personnel, il n'avait aucun mobile. Et un tel zèle en soi n'était nullement criminel. Il n'aurait certainement jamais assassiné son supérieur pour prendre son poste. Simplement, il ne s'est jamais rendu compte de ce qu'il faisait, pour le dire de manière familière. Il n'était pas stupide. C'est la pure absence de pensée, ce qui n'est pas du tout la même chose que la stupidité, qui lui a permis de devenir un des plus grands criminels de son époque. Et si cela est banal, et même comique, si avec la meilleure volonté du monde, on ne parvient pas à découvrir en Eichmann la moindre profondeur diabolique ou démoniaque, On ne dit pas pour autant, loin de là, que cela est ordinaire. Qu'on puisse être à ce point éloigné de la réalité, à ce point dénué de pensée, que cela puisse faire plus de mal que tous les mauvais instincts réunis qui sont peut-être inhérents à l'homme, telle était effectivement la leçon qu'on pouvait apprendre à Jérusalem. Die Zeit, Erziehung, also weltanschauliche Erziehung, Drill und diese Sachen. Eichmann n'est pas un antisémite, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie maintenant? Tu l'as entendu toi-même, il n'a fait qu'obéir à la loi. Il aurait obéi à n'importe quelle loi. Enfin voyons, ceux qui adhéraient au Parti National Socialiste, surtout en tant qu'SS, étaient bien entendu d'épouvantables antisémites. Il jure qu'il n'a personnellement jamais blessé un seul juif. Ça nous fait une belle jambe. Mais est-ce que ce n'est pas intéressant de voir qu'un homme qui a exécuté tout ce qu'un système meurtrier exigeait de lui, qui révèle, avec empressement, tous les détails concernant la réalisation de son travail, que cet homme insiste sur le fait qu'il n'a personnellement rien contre les juifs? Il ment! C'est faux, il ne ment pas. Tu es en train de te faire avoir. Il a même prétendu qu'il ne savait pas où allaient les trains. Vous le croyez, là aussi? Pour lui, ça n'avait aucun intérêt de savoir ou non où ils allaient. Cet homme gérait le transport des gens vers la mort. Mais il ne se sentait pas responsable pour autant. Aussitôt que les trains se mettaient en marche, son travail était terminé. Ah oui? Et il pense qu'il n'est pour rien dans le sort qui était réservé après à ces hommes et ces femmes qu'il s'est chargé de faire transporter? Voilà. C'est ça, sa vision des choses. C'est un bureaucrate. Bah, ta quête de la vérité t'honore, mais cette fois, tu t'égares. Mais Kurt, tu ne peux pas nier ce qui saute aux yeux. C'est l'extraordinaire dissemblance qu'il y a entre l'inimaginable cruauté de ses actes et la médiocrité inouïe de sa personne. Eichmann, qui a conduit directement à l'exécution de milliers de juifs, n'était pas un monstre moral. C'est ce que dit Hannah Arendt dans son livre Eichmann à Jérusalem et dans le film de Margaret von Trotta dont vous venez d'entendre un extrait. Il ne s'est jamais rendu compte de ce qu'il faisait, dit Hannah Arendt. Il n'était pas stupide, c'est la pure absence de pensée qui lui a permis de devenir un des plus grands criminels de son époque. Voilà qui est difficile à recevoir, François de Smet. Oui, et ça l'était à l'époque, et il faut souligner le courage, parfois même le courage physique d'Hannah Arendt, d'oser soutenir cette thèse. Elle l'a faite en connaissance de cause, puisqu'elle a assisté à une petite partie du procès, et que ce qu'elle a retracé, c'est son propre étonnement. Comme tout le monde, elle s'attendait à avoir une sorte de génie du mal en face d'elle, parce que le mal nazi était quelque chose d'essentialisé depuis une quinzaine d'années. Hitler a perdu, on a fait l'épuration, il reste quelques criminels de guerre, on va les avoir, hop. Or, ce que Eichmann, derrière cette vitre, une silhouette rabougrie qui ne se déployait pas, et qui donnait à penser de la manière dont il s'exprimait par slogan et par pensée toute faite qu'il était en effet d'une incommensurable médiocrité, eh bien, il était très dérangeant pour toutes les thèses essentialisant le mal. Et il posait un problème juridique, c'est que Eichmann ne faisait ni partie de ceux qui avaient décidé de la solution finale, ni partie de ceux qui l'exécutaient matériellement. Il n'a tué personne de ses mains. Et donc, pour catégoriser juridiquement et moralement ce qu'a fait Eichmann, il fallait montrer qu'il était précisément un rouage qui, par absence de pensée, à assumer à soi, comme dirait Michel Terechenko, a permis le pire. Il était un logisticien, il faisait en sorte un son bureaucrate mauvais jeu de mots que les trains, arrivent à l'heure. Et il avait une mémoire extraordinaire pour ce qui le concernait, lui, son avancement dans la hiérarchie des SS, mais avait une très faible mémoire et une très faible capacité intellectuelle pour ce qui concernait l'empathie. Et c'est ça qui est fabuleux. Un moment, dans l'interrogatoire, il avait mis en avant l'impératif catégorique kantien. Alors, ça avait un peu surpris tout le monde, et donc il avait été appelé en procès à devoir développer cela. Et Hannah Arendt explique, à la surprise générale, il développe un impératif catégorique correct, à savoir, tu dois faire de ton acte les principes d'une maxime universelle. Sauf que, explique Hannah Arendt, sa vraie maxime universelle, son véritable impératif catégorique, c'est qu'il se figurait en permanence. Agissez de telle manière que si le Führer avait connaissance de vos actes, il serait d'accord avec vous. Et c'était la seule boussole des hauts dignitaires nazis comme Eichmann, qui en effet, sans conflit mondial, n'aurait peut-être pas commis de tels crimes, mais qui montre à quel point la docilité administrative peut faire des dégâts dès qu'elle est au service d'une idéologie meurtrière. Vous avez dit, François de Smet, hein, que finalement le danger se situait dans le conformisme. Ici, on voit Eichmann qui dit « mais je ne faisais qu'obéir ». Là encore, c'est quelque chose d'absolument glaçant et d'insupportable de se dire que le mal peut naître dans le conformisme. C'est-à-dire pas simplement dans le fait d'obéir à des ordres, mais de vouloir faire comme tout le monde, ou d'avoir peur ou d'avoir du mal, tout simplement à dire non, ou à être autrement que ce qu'on attend de nous. C'est une situation qui, cette fois, se reproduit presque à chaque instant quand on vit en société. Oui, et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'influence du groupe. On l'a encore vu dans un conflit sanguinaire qui est le génocide rwandais en 1994, où là, journalistes Jean Asfeld, dans un très beau livre qui s'appelle « Une saison de machette », Jean Asfeld a interviewé un certain nombre de génocidaires qui avaient des affirmations tout aussi dérangeantes du même style, à savoir « je pouvais me retrouver », dès qu'on parlait en « nous » et pas simplement en « je », nous pouvions nous retrouver, aller au travail, puisque c'est comme ça qu'ils appelaient les massacres qu'ils commettaient, parce que vous avez toujours un espacement du vocabulaire qui permet d'assumer des actes absolument horribles. Ils expliquaient que c'était difficile de ne pas aller au travail et de ne pas aller massacrer des gens à cause de la pression du groupe. Parce que dès que vous êtes plusieurs Hutus dans un groupe qui devait aller au travail, que vous avez une sorte de contrôle social les uns sur les autres, pour votre propre sécurité, mais aussi pour votre réputation, vous ne pouvez pas être le seul à ne pas vous salir les mains. Il y a aussi des témoignages de policiers, de militaires nazis vers la fin de la guerre qui ont dû massacrer des juifs dans des circonstances du même genre et qui assumaient une sorte de solidarité dans l'horreur. Parce que il n'y a pas seulement les ordres militaires ou les ordres venant d'un scientifique, il y a le regard de l'autre dans un groupe aussi petit soit-il. C'est pas étonnant qu'un grand nombre d'infractions, parfois les plus horribles, sont souvent commises en groupe. Ça va du génocide au meurtre en passant par le viol. C'est que dès que vous recréez une entité appelée groupe, il y a un estompement de la norme assez fascinant qui se fait, et la meute peut faire des dégâts terribles. Mais ça veut dire, si je vous suis bien, qu'entre, disons, je sais pas, un phénomène de harcèlement sur Twitter, sur un réseau social, et les crimes horribles dont nous sommes en train de parler au cours de la Seconde Guerre mondiale, il y a une différence non pas de nature, mais de degré. Il y a quand même aussi une différence de nature, mais le mécanisme que vous décrivez s'applique à toutes ces situations. Le mécanisme de meute, oui, certainement. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a une déresponsabilisation dès qu'on est à plusieurs sur une cible. Là, de fait, ça peut aussi correspondre à des trolls qui font ce qu'on appelle un raid sur Twitter sur une victime. Mais ça ne suffit pas. Vous avez le groupe qui désinhibe, mais vous avez aussi un contexte particulier qui permet la levée des règles et des lois. Et ça, c'est en général les guerres. C'est ce qui s'est passé au Rwanda, et c'est ce qui est évidemment passé durant la Seconde Guerre mondiale, c'est que tout à coup, vous avez un état d'exception qui fait en sorte que le rythme de la vie et les règlements de la vie et la vie de société est comme suspendu, parce qu'il y a un conflit et que la guerre suspend tout, et que là, tout devient possible. Alors que tout de même, dans la plupart des sociétés civilisées en paix, qui fonctionnent convenablement, vous avez le respect des lois comme garde-fou. Ouais. Mais il y a peu de génocides ou de crimes de masse extrêmement graves qui n'arrivent pas en temps de guerre, là où l'ordre de la loi est suspendu. Je vous pose la question parce que c'est précisément dans ces contextes, soit sur les réseaux sociaux, soit autour d'une table, quand le ton monte et que sous couvert d'anonymat, quand on est sur les réseaux, eh bien on peut se permettre de dire n'importe quoi, qu'est atteint très rapidement ce qu'on appelle le point Godwin, qui est une manière de se référer immédiatement au pire et de convoquer le nom d'Hitler ou de fascisme dans le cadre d'une discussion qui lui était complètement étrangère. Qu'est-ce que c'est exactement le point Godwin, François de Smet? Je vous pose la question, vous avez écrit un ouvrage qui en parle justement. Oui, alors le point Godwin, ça ressemble à un gimmick, à quelque chose de pas important, mais c'est assez fascinant. Il était une fois un juriste américain, Mike Godwin, qui avait remarqué, là déjà, sur les tout premiers réseaux sociaux, on n'est vraiment pas sur Facebook et quelque chose d'équivalent, hein, c'est vraiment les tout débuts, que c'est amusant, dès que les gens discutent et que la situation s'envenime, les chances que quelqu'un invoque le vocabulaire ou les références liées aux nazis, au massacre des juifs ou à la Seconde Guerre mondiale, approche. Et c'est vrai que, de fait, il a énoncé ça un petit peu à la légère comme un statut Facebook aujourd'hui, et c'est devenu une sorte de loi de Godwin parce que c'est très vrai. Il y a très souvent un point dans la discussion où le ton monte, l'insulte arrive, et on mobilise la catégorie d'insulte la pire dans une discussion de fond, à savoir le fait de se faire traiter de fasciste ou de nazi, qui reste la pire insulte possible. Et le point Godwin, c'est le mot point dans les deux sens. C'est un point qu'on vous attribue pour vous dire, ah bah, vous avez atteint un point Godwin, bravo. Et c'est un point non dépassable. Parce qu'une fois que vous l'avez atteint, vous ne pouvez pas insulter votre adversaire de la pire manière. Il faut aussi dire que dans les débuts des réseaux sociaux, et c'est ce qu'on vérifie aussi aujourd'hui, on doit maîtriser un format nouveau qui est l'écrit court. Et l'écrit court est très sec. Vous échangez des SMS, ou vous échangez des écrits, ou même vous échangez des mails, on se sent, même encore aujourd'hui, tous forcés de rajouter des espaces, de rajouter trois petits points pour éviter d'être, de faire des smileys. J'ai récemment découvert que si on terminait un SMS avec un point, apparemment c'était quelque chose de presque malpoli et menaçant. Il vaut mieux ne pas mettre de point du tout, ou alors mettre un smiley. Je veux dire par là que des échanges d'arguments courts écrits donnent une intensité et un caractère de radicalité à des propos qui permettent de verser facilement vraiment dans des propos à la Godwin et à mobiliser eh bien ce qui reste notre pire horizon, notre boussole du mal universel, à savoir ces bons vieux nazis et le génocide des juifs qui l'accompagnent. Beaucoup de nos auditeurs auront appris en vous écoutant, François de Smet, que dans le point Godwin, eh bien, c'était quelqu'un, c'est pas une expression, il s'appelle, vous l'avez dit, Mac Godwin, et le voici. Certaines personnes pensent que la conversation est terminée quand on commence à comparer à Hitler ou aux nazis. Mais certaines fois, il est justifié d'employer ces comparaisons. Et si certains débats politiques actuels deviennent brûlants et en arrivent à ces comparaisons, c'est une confirmation de la loi de Godwin. Parce qu'on est sur Internet depuis maintenant plus de 25 ans, et bien sûr, comme de plus en plus de gens se connectent, on voit leur tendance à l'excès rhétorique. La loi de Godwin sert toujours à faire réfléchir les gens à cette période horrible de notre histoire, à ces gens horribles et les choses horribles qui sont arrivées. Et donc, quand vous en arrivez à ces comparaisons, au moins vous y pensez à deux fois. Et si vous y pensez à deux fois, à ce moment-là, la loi fonctionne. C'est intéressant d'entendre parler l'homme derrière le point, hein, le Mike Godwin. D'ailleurs, en anglais, on dit loi Godwin et pas point Godwin, parce que celui-ci dit que finalement, une des vertus de cet usage rhétorique qui est fait sur le coup de l'émotion du pire et souvent donc de la référence au nazisme, c'est de nous faire réfléchir sur cette période de l'histoire. Comme si il y avait une vertu quasiment pédagogique au fait d'invoquer très rapidement le pire auquel on puisse penser, François de Smet. Oui, et de ne pas l'utiliser à mauvais escient et de bien réfléchir lorsque nous utilisons ces mots. C'est vrai que Mike Godwin, alors il est devenu depuis lors une sorte de spécialiste de sa loi. Oui. Nous nous suivons mutuellement sur Twitter parce qu'il était intéressé et curieux du fait que quelqu'un ait écrit un bouquin sur sa loi. Donc du coup, je le suis dans ce qu'il fait. Il a doublement raison, c'est-à-dire que c'est pas parce que le point Godwin arrive comme une sorte d'horizon moral. En général, un point Godwin, c'est négatif. C'est, vous comparez la situation actuelle aux années 30 où vous avez traité votre adversaire de nazi, vous n'auriez pas dû. Ce que Mike Godwin rappelle, c'est qu'il est quand même autorisé toujours de traiter un nazi de nazi. Et qu'il y a un moment où ce que vous avez en face de vous ressemble à la couleur, l'odeur et la saveur d'une idéologie d'extrême droite nazie ou fasciste, vous avez encore le droit d'utiliser ces mots. Mais donc, ça nous donne une responsabilité de ne pas le faire à la légère. Et lorsque nous faisons des comparaisons, de tout de même le faire avec les mots justes, parce qu'une fois que vous avez sorti la carte fasciste ou nazie, vous n'avez plus rien derrière pour disqualifier votre adversaire. Et donc, il y a toute une série de jugements ou de critiques ou de conversations que vous pouvez faire sans utiliser ces références-là, parce que c'est comme un fusil à un coup, si vous voulez. Il faut le faire convenablement parce que si on se traite tous de fascistes ou de nazis à la première contrariété, nous finissons par vider ces mots et ces termes de leur valeur. Et si vous ajoutez à ça l'estompement du temps, le fait que les témoins sont évidemment disparaissent les uns après les autres, que peut-être qu'un jour la Seconde Guerre mondiale aura dans les livres d'histoire la valeur symbolique qu'ont aujourd'hui pour nous les guerres napoléoniennes, on espère que non, mais que ce risque existe avec le temps, vous risquez une dilution de la valeur morale de ce qu'avait représenté la condamnation du génocide et du crime contre l'humanité qui a constitué l'extermination du peuple juif. Et donc c'est intéressant parce que ça nous fait voir notre dépendance aux événements et le lien, encore une fois, entre les événements et nos grands principes qui est beaucoup plus profond que nous le croyons. Nous avons eu d'une certaine façon la chance d'avoir en face de nous des ennemis évidents. On ne pouvait pas aimer Hitler. On n'a pas pu non plus longtemps aimer Staline. On avait là des positions contre lesquelles il était évident qu'il fallait prendre position. Ou bien on disait « ça ne me regarde pas, je ne fais rien, je m'occupe de ma vie privée » ou si on avait pris un peu le message du général de Gaulle, on disait « non, il faut faire quelque chose ». Aujourd'hui, contre quoi faut-il se montrer résistant? Qu'est-ce qui indigne la jeune génération? Est-ce que vous avez reconnu la voix que nous venons d'entendre, François de Smet? Oui, bien sûr, c'est Stéphane Hessel. Tout à fait. Et Stéphane Hessel qui vous pose la question, hein, pour terminer cette émission, justement, de savoir dans quelle mesure est-ce que toutes les analyses que nous pouvons faire de la période dont il parle, à savoir de la Seconde Guerre mondiale, seraient transposables dans la période que nous vivons aujourd'hui. Il le dit, ça peut paraître maladroit, mais dit, nous avons eu la chance, en fait, d'avoir des ennemis clairement identifiables. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, est-ce que ce qu'il dit peut s'appliquer à ce qu'il appelle la jeune génération? C'est toute la question, quand même, François de Smet. C'était l'intérêt de son petit ouvrage. Indignez-vous. Indignez-vous, mais toute la difficulté est là. C'est que du temps où Stéphane Hessel s'était révolté, où il était assez facile de désigner la cible contre laquelle il fallait résister, mais il était très dur et difficile et courageux de résister, on a un peu l'impression aujourd'hui que c'est l'inverse. Il est très facile de s'indigner sur toute une série de sujets qu'on aura choisis, et très difficile de trouver la cause. Il n'y a que quelques sujets, peut-être le dernier qui me vient en tête, peut-être parce qu'on en a parlé à cause de l'ouverture du procès, c'est évidemment les attaques des djihadistes contre la liberté d'expression, contre des journalistes, et puis après contre de simples citoyens et des civils. Et là, vous avez une réunion de la société française, européenne, autour de principes évidents, parce que tout à coup... Mais pas intégral, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ces principes-là. Oui, mais enfin sur le coup, c'est vrai, mais vous avez une émotion juste après Charlie extrêmement forte, avec des millions de personnes dans les rues, j'ai senti autour de moi des gens qui même physiquement le ressentaient comme une attaque par rapport à ceux qu'ils sont. Alors vous avez raison, aujourd'hui tout le monde n'est pas Charlie, c'est d'ailleurs dommage parce que être Charlie ce n'est pas évidemment approuver la ligne d'un hebdomadaire, mais c'est se battre pour la liberté d'expression, en ce compris de gens dont on n'est pas obligé d'apprécier les idées ou les dessins. Mais tout de même, de la même manière que tout le monde trouvera de manière... j'espère universel que tenter d'exterminer un peuple en tant que peuple ne va pas, eh bien tenter d'exterminer des journalistes ou des civils pour une cause supérieure au hasard ne va pas non plus. Il y a des figures du mal qui peuvent tout à coup tenter de nous réconcilier. Ça sont des motifs d'indignation, encore une fois, faciles. À côté de ça, vous avez le débat politique où nous devrions sans doute beaucoup plus tous nous indigner sur le sort des migrants qui meurent en mer, les inégalités sociales qui atteignent certains degrés qui ne sont plus tolérables et qui finissent par engendrer des troubles sociaux, la montée de la violence, etc., etc. Mais il n'y a pas dans ces sujets-là un élément de radicalité aussi fort que celui qu'on peut vivre dans un conflit armé où tout à coup vous avez des oppositions qui apparaissent aussi évidentes, parce qu'on est dans un débat politique avec beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de complexité et des intérêts divergents d'un citoyen à l'autre. Et donc Stéphane Hessel, il dit à la jeunesse de s'indigner tout en sachant très bien que l'exercice est moins risqué qu'à son époque, mais aussi plus difficile. Et dans la définition des cibles. Comment expliquer que la configuration ait changé à ce point qu'à l'époque, il y avait De Gaulle d'un côté et Pétain de l'autre? S'il faut réduire, réduisons-les de cette manière-là. Et qu'aujourd'hui, ce soit beaucoup plus difficile de situer sur un échiquier, que celui-ci déjà n'est pas uniquement duel, qu'il y a beaucoup d'éléments, et qu'on ne peut pas juste réduire les choses à une grille de lecture aussi simpliste. Parce que nous avons connu 70 ans de démocratie entre les deux moments, et que à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'était pas seulement le fait de choisir De Gaulle ou Pétain la question, c'était notre système, c'était les systèmes démocratiques des pays occupés européens, c'était aussi celui de nos amis britanniques s'ils avaient perdu la guerre, c'était notre mode de vie entier qui était en jeu, alors qu'ici, et c'est un défi en tant que tel, nous devons vivre après 70 ans de démocratie qui nous ont... Alors, tout n'a pas été rose, tout n'a pas été parfait, mais grosso modo, nous n'avons plus connu de conflits armés sur notre sol. Nous avons résolu un grand nombre de problèmes. Nous avons toujours des problèmes, des inégalités, des pauvres, etc. Mais nos problèmes ne sont plus les mêmes. Et le risque me paraît être là. C'est qu'on ressent comme une forme de fatigue démocratique. Comme le disait quelqu'un l'autre jour, les gens en avaient marre de la paix. Et s'ennuyait. Et essayer de trouver des exutoires et des causes annexes autour du sujet, alors c'est le grand truc à la mode, c'est l'identité de manière générale, pour se trouver des manières d'avoir des camps antagonistes, d'avoir des amis et des ennemis, d'avoir de la radicalité, de pouvoir réinsuffler du politique dans le sens où vous pouvez vous mettre face à une opposition. Et donc nous expérimentons quelque chose de nouveau qui est que deviennent des sociétés après un temps de paix tellement grand qu'elles n'ont plus été en guerre, soit en guerre civile, soit en guerre contre un autre pays. Est-ce que cet ennui démocratique va finir par se retraduire par d'autres formes de conflits, par exemple identitaires, ou est-ce que nous allons arriver à sublimer tout ça en canalisant notre capacité d'indignation vers l'amélioration de notre bien commun ? Qu'un pays soit en paix ne signifie pas que chacun vive en paix. En tout cas, merci beaucoup François de Smet d'être venu esquisser des éléments de réponse à cette question. Qu'aurais-je fait pendant la Seconde Guerre mondiale entre collabos ou résistants? Je renvoie à la lecture de votre livre « Reductio ad Hitlerum, une théorie du point Godwin » qu'on trouve aux éditions PUF dans la collection Perspectives critiques. On mettra vos ouvrages en ligne sur le site des Chemins de la philosophie. Et on se quitte fidèlement au titre de cette émission. Et qu'aurais-je fait pendant la Seconde Guerre mondiale? Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt? Merci Adèle. Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Bercé d'humiliation, de haine, d'ignorance, nourri de rêves de revanche, aurais-je été de ces improbables consciences, larmes au milieu d'un torrent? Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une caste, aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir tant d'une main? Si j'étais né blanche et riche à Johannesburg, entre le pouvoir et la peur, aurais-je entendu ces cris portés par le vent? Rien ne sera comme avant. J'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver le regard d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Ce matin, vous vous posez une question. Est-ce qu'il existe un personnage sans émotion? Les véritables amateurs de Sherlock Holmes sont en général fascinés par le personnage de Mycroft, le frère aîné du détective, un personnage qui ne fait, pour ainsi dire, rien, à part traîner dans son club. Mycroft n'a pas de loupe et pas d'imperméable, il ne ramasse pas d'indices et ne sort jamais, tout juste consent-il à jouer au billard. C'est là, sans doute, devant les mouvements déterministes des boules qu'il aiguise ses facultés de déduction, car Mycroft, l'immobile, le contemplatif, s'est vu attribuer par Conan Doyle, son créateur, une intelligence supérieure, supérieure même à celle de Sherlock Holmes, ce qui fait de Mycroft à peu près l'équivalent d'un dieu. Now, where to begin? My mother named me Enola, which backwards spells alone. And yet, we were always together. I'm presently on the way to collect my brothers, Mycroft and Sherlock. Yes, Sherlock Holmes. The famous detective, my genius brother. He will have all the answers. Enola. Depuis peu, Sherlock Holmes a également une petite sœur, Enola, héroïne des livres pour la jeunesse de la romancière Nancy Springer. et Nola est une sorte d'anti-Mycroft, c'est un Sherlock Holmes rendu plus trépidant et plus actif, d'où l'idée de la Warner Bros. D'abord, de Netflix ensuite, d'en faire une héroïne de cinéma, un film avec Sherlock Holmes comme personnage secondaire, un Sherlock Holmes devenu le docteur Watson de sa sœur. Sur le papier, l'idée paraît excellente. Cerise sur le gâteau, les droits sur le personnage de Sherlock Holmes sont tombés dans le domaine public. Ce héros de la pensée, ce Socrate victorien, est devenu un archétype universel, mais c'est là que les choses se corsent. Il se trouve que le personnage n'est pas totalement libre de droit, pour des raisons complexes impliquant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale comme machine à prolonger les copyrights et comme machine à émouvoir les hommes. Ayant perdu son fils et son frère pendant le conflit, Conan Doyle, bouleversé, aurait fait subir une inflexion majeure à son personnage fétiche. Il lui aurait prêté des émotions, dit ainsi, cela prête à sourire. Mais comment un personnage de fiction pourrait n'éprouver aucune émotion ? On touche là sans doute à l'un des mythes primitifs du roman policier, au détective Dupin imaginé par Edgar Poe, une machine à faire des déductions. Dupin, Columbo, Sherlock Holmes, c'est notre cerveau débarrassé de toutes ces scories sensibles, des héros de l'intelligence, des chevaliers de la raison pure. Je te présente un vieil ami, John Watson. Afghanistan ou Irak ? Pardon ? C'était où ? En Afghanistan ou en Irak ? En Afghanistan, mais comment savez-vous que... Ah, Molly, mon café, merci. Où est passé le rouge à lèvres ? Ça ne m'allait pas. Ah non ? Je vous trouvais bien mieux avec, votre bouche est trop petite, maintenant. D'accord. J'ai repéré un beau petit appart dans le centre de Londres. À nous deux, on devrait pouvoir s'offrir. On se retrouve demain soir à 19h. Désolé, faut que j'y aille. Je crois bien que j'ai oublié ma cravache à la morgue. Je m'appelle Sherlock Holmes, et l'adresse est 221B Baker Street. Bonne journée. Ce qui est intéressant, c'est que ce fantasme littéraire va faire prochainement l'objet d'un jugement. Cette énigme de savoir si on peut faire un roman avec un personnage réduit à sa seule intellectualité va connaître un épilogue judiciaire. Les ayants droit de Conan Doyle viennent en effet d'attaquer Netflix de la façon la plus tordue, la plus géniale qu'on puisse imaginer, en expliquant que le personnage libre de droit, c'est celui d'avant-guerre, celui qui n'éprouve aucune émotion. Autrement dit, si l'on fait figurer dans un film un Sherlock Holmes doté d'émotions, par exemple un Sherlock Holmes qui aimerait sa petite sœur, alors il faut négocier l'accord des ayants droit. Sherlock Holmes peut se droguer autant qu'il veut, cela ne coûtera rien à personne, mais qu'il sourie une seule fois, et il faut le payer cash. Je ne sais pas ce que va décider le tribunal du Nouveau-Mexique qui instruit l'affaire, mais imaginons qu'il donne raison aux ayants droit, qu'il valide cette métafiction d'un personnage de fiction froid comme un ordinateur. Le personnage de Sherlock Holmes, poussé soudain du côté de Mycroft et de son billard déterministe, deviendrait l'équivalent littéraire ou cinématographique d'une de ces expériences de pensée que les philosophes adorent. Imaginez quelqu'un dans une chambre sans fenêtre et sans accès au monde. Sherlock Holmes, en plein trip, serait-il capable, par le seul exercice de sa raison, d'inférer l'existence du monde extérieur ? Et pourrait-il le concevoir sans péché originel ? Ou bien faudrait-il que fatalement il y ait toujours des crimes ? Et l'esprit du meurtrier, Sherlock Holmes, y aurait-il accès ? Pourrait-il rationnellement simuler sa fureur ? Donner de la folie meurtrière de celui-ci une description logique ? Cet homme sans qualité ni émotion, cadenassé par des avocats, pris dans une camisole juridique, pourrait-il encore exercer le métier de détective ? Aucune empathie à la Maigret, aucune joie de l'intelligence à la Hercule Poirot. Mais alors quoi ? Un être humain encore ou alors une simple machine ? L'un des sous-genres traditionnels du roman policier, c'est les histoires de chambre close. Ce que nous prépare en ce moment un tribunal du Nouveau-Mexique, c'est peut-être un retournement sans précédent du dispositif. Le détective n'est plus convoqué pour résoudre l'énigme, il est l'énigme elle-même, la chambre close, le dernier réduit de la raison pure, un réseau de neurones prédictifs, une IA policière. Tout ça est un peu effrayant, sauf si on se rappelle que Sherlock Holmes, héros de papier, a débuté comme cela, en tant que personnage de fiction, un personnage de fiction, autrement dit un algorithme, une série d'instructions pour le cerveau du lecteur. Et de l'auditeur. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter sur le site des chemins de la philosophie.